Mike était un Glock. Prie pour moi mon frère. Jeune Renoir avec la torsion tout pété. CNR, gangster, gangster, Mr. Old Gang, démolition man. Parabon. Prie pour moi mon frère, n'oublie pas de dire amen. Toujours de la street comme toi, ma tout brand new que j'amène. La fric, la zik, ma petite, ma clique qui me parraine. Ma soif de fric, mon amour pour mes types n'a pas de pareil. Je suis Maximus dans l'arène, un pro de la rime. Zidane, Michael, Jordan, Iverson, Haaland. Je recrache cette merde vécue de ma boîte crânienne. C'est Mr. Old Demolition Man, j'impose mon barème. Ma arme, ma volonté ou ma haine sont ma marraine. Je n'ai peur du tout puissant être moi-même. Je sais que mes vrais gamins m'oublient Nas ou du gamin. Bienvenue dans mon harem, j'ai aussi un pétard. Mais je veux pas bouffer de la gamin. Appelle-moi tic-tac, rabat mauvaise Allen. Je grave mon style, man, tout comme Hent et M ou Haim. Tu pas une rose à toi qui crois que ma vie n'a pas de blé. Ma merde plus comme la tienne et ma life est parfois plus hard, man. Respecte ma rue, respecte moi, respecte ma rime. Excepté moi qui a la classe des Air Force aux narines. Mon envie de vaincre, mon courage, ma force, je tiens de ma rhum. Mon style de Cotonou Queens, les Sun Buckets Harlem. Et trop de bitch, le fils de l'âge qui la ramène. Les mecs ont des minous et bien plus commerce que ma gardienne. J'arrive hard man, cache-toi avant sa barre man. Je te parle pas de blague man, si tu veux pas de blame. J, J, R, A, I, I, D, T, B, B. Jeune Renoir avec l'intention tout pété. J, avec l'attention toupée. Je suis qu'un artiste, parfois joyeux ou parfois triste. Je vise ma caisse de ministre et 100 000 disques. Je prends le mic depuis que je suis type. M'imagine dans des clips, m'éclate et me tape des queues sur du mob deep. Je veux faire de mon histoire un mythe. Peu importe la piste, je trip, je flip. J'ai même des chansons sur ma beat. Tu peux me pêcher sur la 6 dans des clips. En boîte avec Digo et la trick dans mon slip. Van et mes négros mystiques dans ma street. La gouache dans ma ride avec les flics à la suite. CNL, que des vrais types dans l'équipe. Donc qui veut, qui peut chercher des bifs à ma clique. Demolition Man, OL, qui connaît la suite. Parce que c'est qu'un gars et que tu es jamais la pute. C'est ça mec, mon style vient te la mettre. Je suis Kevin Garnett, toute une équipe de monde d'un mètre. Hey yo, cool, zen, rarement énervé. J'ai le power, ne sens-tu pas ma cause, mon énergie. Yo, mon mic est un Glock, mon pas de Gamelot, pas de shot. J'suis une basse, ce qu'on j'rappe, pas de rock, pas de drogue. Explicite phase, pas de god, pas de flop. Rien que des putains de phase sur bad prod. J'peux pas perdre, j'ai le même gap depuis le CP. Tu peux pas tester un J-R-A-I-T-P. J, J, R, A, I, I, D, T, B, B. Jeune Renoir avec l'intention de tout péter. J, J, R, A, I, I, D, T, B, B. Jeune Renoir avec l'intention de tout péter. J, J, R, A, Jeune Renoir avec l'intention de tout péter. J, J, R, A, I, I, D, T, B, B. Jeune Renoir avec l'intention de tout péter.